veux que la terre soit ronde, je veux conquérir le monde, je veux tout. Maintenant que le temps presse, je refuse la tristesse et surtout, je veux tout, tout ce dont j'avais rêvé, qui m'a été refusé, je veux tout. Des horizons sans nuages, un bonheur qui se partage, sans compter. Je veux tout. Et toi qui n'es pas venu, reste mon bel inconnu à jamais. De la musique dans le cœur, j'oublierai toutes mes peurs, mes regrets. Je veux tout, la paix dans tous les états, l'amour dans tous ses états, et surtout, voir de beaux feux d'artifice, goûter à tous les délices de la vie. Je veux tout, où en serons-nous demain? Alors donnons-nous la main, aidons-nous. Où en serons-nous demain? Alors donnons-nous la main. Oubliez toutes mes douleurs, effacez toutes mes rancœurs envers vous. Retrouvez mes enthousiasmes, partagez tous mes fantasmes avec vous. Je veux tout, vous entraîner dans mes rires, vous enivrer des délires les plus fous. Balayez les maladresses et retrouvez la tendresse, je veux.